sol est trempé, les feuilles murmurent. Raiders qui à l'avant sous la brume pure. La forêt retient son souffle lourd et dense. Chaque pas résonne comme une sentence. Des forts et de pluie, le feu crépite, éclaire la nuit. Les visages fermés, marqués par l'attente. Chaque clou planté, une défense constante. Une torche flambe dans le vent glacé. La bastion, mais l'ennemi est glacé. Les voix s'élèvent en prière murmurées, sous la pluie fine, les âmes liées. Raiders qu'ils veillent, le regard perçant, la foi guide même dans le vent. L'unité se tisse dans le souffle court, dans russe l'amour forge sa route. Ammonita caressant la aux voix féminines. In shadows deep we find our light. Rider's skill leads through darkest night. Drops like fire, hearts on flame. Together strong we rise again. Twitches call a sacred sound. In every beat our souls are bound. Sings in every voice in this fight. We all rejoice. Hai hai se da valia, hai hai se da valia. Les buissons frémissent, scintillent, éclatent. Le chaos jaillit, la base vacille. Mais nos cris deviennent hymnes sacrés, un chant de guerre, force partagée. Les ennemis tombent surpris par la foi, le terrain est rude, mais c'est notre loi. Harmonica coupant, claquant, accentue urgence. On reconstruit entre les ruines fumantes. Des âmes vibrantes, la solidarité est un lien muet, un regard, un geste, un pacte secret. On ne fuit pas, on tient la ligne, même quand la brume nous malmène. Ammonite doux invite à la confiance et au soutien. Un souffle monte, la terre frémit. Le cœur bat fort, l'espoir grandit. L'aube hurle, prête à frapper. Raiders qu'il s'élève, prête à guider. Les sabots martèlent, le pas s'accélère. On avance, tranchant comme l'acier. Raiders qu'il mène, clair dans ses choix. Nos esprits s'envolent forts et fiers. Dans cette lutte, rien ne nous déchaîne. Harmonica vive, rapide, traduit l'énergie du combat. Le silence tombe, doux baiser d'ombre. Mais sous la surface, la guerre gronde. Nos âmes se reposent, mais le combat continue. Demain est incertain, la peur continue. Les feuilles frissonnent, la tension s'étire. La chaleur persiste, complice du pire. Et est-ce qu'il sourit et fait lever la forêt paraît calme, mais tout est prêt. Une torche flamboie, un cri s'élève, l'équipe s'enflamme, un feu qui rêve. Plus rien n'arrête la marche sacrée. Sous les arbres sombres, la guerre est lancée. Chaque visage inscrit sa mémoire. Dans ce bastion forge l'histoire. Alphagos viva Martinet. In shadows deep we find our light. Rider's skill leads through darkest night. Drops like fire, hearts on flame. Together strong, we rise again. In shadows deep, we find our light. Rider's skill leads through darkest night. Drops like fire, hearts on flame. Together strong, we rise again. Twitches call. S'efface, mais la mission brûle en chaque place. Rider's Guild s'éloigne, fier et droit, dans cette forêt, la guerre est loi.